بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc au Shafka Barakallahu Fikum la lecture et le commentaire de ce chapitre très important dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, qui est le chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah, le chapitre de la fermeté sur le livre et la Sunnah, donc le fait de s'accrocher fermement au livre et à la Sunnah. On a vu donc les cinq premiers hadiths qu'a cité l'auteur, l'imam al-Bukhari, on les a vus au cours de la semaine dernière. Aujourd'hui, on continue avec le premier sous-chapitre qu'il nous cite, al-bab al-awwal, le premier sous-chapitre. Babu qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bu'ithtu bi jawami' al-kalim. Donc il nous dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, donc le sous-chapitre concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit: j'ai été envoyé avec Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim, c'est un terme qui va être très très difficile à traduire. Ce qui est voulu par là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler peu, c'est-à-dire qu'il va dire peu de choses, mais que ce qu'il va dire va avoir un grand sens, va avoir énormément de sens. À tel point que souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prononcer une parole qui est courte, et on va l'expliquer avec un livre entier. On peut expliquer une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un livre entier, ou donc comme le hadith par exemple, le hadith de Jibril, très connu. Ou alors le hadith innama al-amal bin niyyat, certes les œuvres valent en fonction de leur intention. Les savants ont écrit des chapitres pour expliquer cela. Et ça, l'imam al-Bukhari rahimahullah, il nous cite cela donc pour nous montrer en fait que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des guidées et la plus complète. Et donc c'est important qu'on s'accroche à celle-ci. Ensuite il nous cite le premier hadith: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو تلغثونها أو كلمة تشبهها. Et donc il nous cite l'imam al-Bukhari rahimahullah sa chaîne de transmission qui monte jusqu'à Abi Huraira radiyallahu anhu, en nous disant donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé avec Jawami'il Kalim et j'ai été secouru par la peur, c'est-à-dire que le fait que les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient peur qu'il arrive. Donc avant même qu'il arrive, dans certaines narrations, un mois avant qu'il affronte ses ennemis, ils avaient déjà peur. Et alors que je dormais, il m'a été donné, j'ai vu qu'il m'a été donné les clés des richesses de la terre et qu'elles ont été posées dans ma main. Abu Huraira radiallahu anhu qui dit: certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé et vous aujourd'hui vous mangez et vous profitez, vous buvez de ceci, donc de ces plaisirs, les richesses de la terre. On verra ce qui est voulu par là, inshallah ta'ala. Et donc ici, les savants, ils nous disent qu'il y a ici une allusion dans ce hadith à la communauté musulmane qui va se propager. Ce qui est voulu par les richesses, ce qui est voulu par les clés des richesses de la terre qui ont été données au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa communauté qui se propage sur terre. Sa communauté qui se propage sur terre. Dans certaines narrations, il est cité Masharik al-Ard wa Maribah, l'ouest et l'est. D'accord ? Al-Imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah, il nous dit fihi isharatun ila anna mulka hadhihi al-umma يكون معظم امتدادها في جهتي المشرق والمغرب وهكذا وقع. Il nous dit, il y a dans ce hadith une allusion quant au fait que le royaume de cette communauté, donc la communauté musulmane, va beaucoup plus s'étendre du côté est et ouest. Et c'est ce qui est arrivé. وَأَمَّا فِي جِهَتِي الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ فَقَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Il nous dit, en ce qui concerne les deux côtés nord et sud, alors la propagation de la communauté musulmane, elle était petite comparée à sa propagation du côté donc de l'est à l'ouest. Regardez comment l'islam s'est propagé. L'islam s'est propagé beaucoup plus d'est en ouest que de nord au sud. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et les savants, ils citent ce hadith parmi les signes de la prophétie. Et donc les savants, ils nous disent qu'il y a dans ce hadith l'annonciation de la bonne nouvelle que cette communauté va se propager sur terre. Cette communauté va se propager sur terre. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. On est en Martinique. On est en Martinique aujourd'hui. L'islam qui se propage petit à petit en Martinique, alhamdoulillah. Et donc, vraiment, ça, c'est le genre de hadith qui nous renforce dans notre foi, qui nous montre que réellement que ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Et qu'il est venu avec des signes qui montrent la véracité de ses propos, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le septième hadith qu'il cite dans ce livre, l'auteur, il nous dit, حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. La chaîne de transmission qui va jusqu'à Abi Huraira, radiallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a aucun prophète parmi les prophètes sans qu'il lui fût donné des signes par lesquels les hommes ont cru, des signes qui ont permis aux hommes de croire en leurs propos. Quels sont ces signes? Des miracles. Donc, on comprend de ça que tous les prophètes, ils viennent avec des miracles. Tous. Et certes, moi, ce qui m'a été donné, c'est une révélation qu'Allah m'a faite. Et j'espère être celui qui aura le plus de suiveurs au jour de la résurrection. Yawm al-Qiyam. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikum, il y a, donc, dans ce hadith, Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, il nous cite que ce qui est voulu ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle du miracle qui lui a été donné, c'est le miracle du Coran. Cela ne veut pas dire qu'il ne lui a pas été donné d'autres miracles. Mais chaque prophète avait avec lui un miracle qui est propre à lui-même. Un miracle qui lui est spécifique, que les autres n'ont pas eu. Mais il avait d'autres miracles. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu d'autres miracles avec lui. Mais ce miracle, le miracle du Coran, c'est celui-ci que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu. Et c'est le plus grand des miracles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Coran c'est le plus grand des miracles? Attention, hein, ici on est entouré de chrétiens. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que le Coran c'est le plus grand des miracles? Parce que c'est lui qui clôt tous les livres qui étaient acquis avant. Le Coran, en fait, les miracles. Le miracle de Moussa alayhi salam, le bâton qui se transforme en serpent. La mer qui s'élève, l'eau qui s'élève comme des montagnes. Et Moussa qui passe, donc qui traverse cet endroit et ensuite cette eau qui se renverse sur Pharaon. Est-ce que vous y avez assisté? Non. Et donc les savants nous disent les miracles des prophètes, ils sont profitables à ceux qui les voient, ceux qui assistent, ceux de cette époque. À cette époque-là, les gens ils ont profité de ça, ils ont vu ce miracle. Ça renforce leur foi. Mais ceux qui sont venus après, On leur a raconté. Et Isa alayhi salam, le fait de ressusciter par la volonté d'Allah des gens qui sont morts, les gens qui ont vu ça, ça a renforcé leur foi. Mais ça s'est terminé là. Est-ce qu'après il y a eu d'autres qui ont été ressuscités après Jésus, par Jésus, par sa cause? Non. Le Coran, jusqu'à aujourd'hui, des gens sont guidés par ce miracle jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Et il reste là, il continue le miracle du Coran. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les musulmans qui se la transmettent de génération en génération. C'est un miracle qui perdure par le temps. Ce n'est pas un miracle qui s'est produit à un moment et qui s'arrête, qui s'estompe. Non. Lui, c'est un miracle qui perdure par le temps. C'est le plus grand des miracles, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, tous les prophètes, ils ont eu des miracles qui étaient propres à leur environnement. Moussa alayhi salam, à son époque, donc, il y avait beaucoup de sorciers. Il y avait beaucoup de sorciers. Et parce que déjà, à la base, il faut savoir que Benou Israël, les juifs, ils pratiquaient beaucoup la sorcellerie. Et donc, Moussa alayhi salam, il est venu avec un miracle qui terrasse cette sorcellerie pour montrer la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Isa alayhi salam, à son époque, les gens commençaient à progresser dans la médecine, etc. Et donc Isa alayhi salam, il est venu avec des miracles qui montraient que la médecine n'était rien à côté de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils se concurrençaient dans l'éloquence. L'éloquence, les poèmes, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ce livre, avec une éloquence parfaite, que personne n'a pu égaler après cela. Alors que les Arabes à l'époque, ce n'était pas les Arabes d'aujourd'hui, les Arabes éloquents, ils n'ont pas su relever ce défi, le fait de venir avec une sourate comme le Coran. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre cela. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, ici il nous dit, et donc ce qu'on comprend de ce hadith et du titre qu'a choisi l'auteur, on comprend ici que la base vers laquelle les gens doivent retourner pour, dans leur religion, lorsqu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est le wahy, c'est la révélation. C'est le wahy, c'est la révélation. Puisque c'est cette base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné jawami al-kalim, des paroles qui sont courtes et qui ont beaucoup de sens. Et qui englobent beaucoup de choses. Et donc c'est lui qui a la meilleure guidée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le miracle qui lui a été donné, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment pouvons-nous donc délaisser ce miracle qui est perpétuel, qui continue dans le temps? Comment est-ce qu'on peut laisser les mosarifs prendre de la poussière, servir comme objet de décoration, sans qu'on cherche à le lire, sans qu'on cherche à le comprendre? Et donc la base dans ta religion, quand tu cherches à adorer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est al-wahy. Et le cheikh, il continue, il nous dit la révélation, c'est wa an kana hadha al-wahy ayatin munazzala aw hadithan sahihan 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit la base dans la législation, c'est quoi? C'est la révélation. La révélation, peu importe que ce soit un verset qui a été révélé, ou alors un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la révélation. La révélation, c'est pas que le Coran. La révélation, c'est aussi la sunna. Et ensuite, il nous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ela inni utitu al-kitab wa mithlahu ma'ahu. » Certes, il m'a été donné le livre, donc le Coran, ainsi que son semblable avec lui. Quel est son semblable? C'est le Coran, et c'est la Sunna. Et donc le prophète, il lui a été donné Al-Kitab ou Al-Hikmah, le livre ainsi que la sagesse, c'est-à-dire le livre et la Sunna. Et les deux sont une révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est impératif, barakallahu fikum, qu'on comprenne qu'on doit s'accrocher à cette révélation. Lorsque tu cherches à adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ne cherche pas à telle personne a dit quoi, telle personne a dit quoi, telle personne a dit quoi. cherchent Allah Azza wa Jal, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont dit concernant ce sujet? Voilà notre base dans notre façon d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on verra la semaine prochaine le deuxième sous-chapitre, le chapitre concernant Babu al-Iqtida bi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le sous-chapitre concernant le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on arrête là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.